Genre de titre Queen Bohemian Rhapsody sur RTL2, sorti en 1975. Et je sais pas si vous saviez, Justine et Greg, mais quand ce single est sorti donc en 1975, il était accompagné d'une vidéo promotionnelle. C'est comme ça qu'on appelait les clips à l'époque. Et c'est donc le premier clip de l'histoire. Ah, tu voilà. vois. Tu nous en apprends des choses. Je ne savais pas, merci. Non. Oh, bah dis donc, attends, j'essaie de tester ma voix. C'est pas dingue. Hein, alors, Greg est en train de perdre sa voix. Écoute, on est sur un petit souci de voix. Et on a Juju, tout va bien. Je suis là pour te soutenir. Oh, oui, ça va, on est en Macha Bérangé. Oui, bonjour, appelez-moi les enfants. Coucou les lapins. Bon, bah, on te fait un bisou alors. Bisous, à bonne demain. Bisous, ciao. Thomas. Bonjour les copains du matin. Allez, bon courage à tous. Il est 6h, bienvenue sur RTL2. Et c'est l'heure des infos tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Une vague de violence à Nantes. Cocktail Molotov, voitures et bâtiments incendiés. Des violences urbaines ont éclaté hier soir dans trois quartiers sensibles de la ville après la mort d'un jeune homme de 22 ans en cours d'un contrôle de sécurité. Un agent a tiré alors que le suspect refusait d'obtempérer. La balle a touché la carotide. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. Le verdict est tombé dans le procès du proxénétisme des cités. Il y a 2 et 3 ans, ils avaient prostitué une vingtaine de jeunes filles en Île-de-France, des mineurs pour la plupart âgés de 14 à 17 ans. Les 12 prévenus ont été condamnés par le tribunal de Paris à des peines de 6 mois avec sursis à 3 ans et demi de prison ferme. Ça passe pour la loi dite fake news. Les députés ont voté cette nuit les 2 propositions de loi controversées contre la manipulation de l'information. L'une vise à permettre à un candidat ou à un parti politique de saisir la justice pour faire cesser la diffusion de fausses informations durant les 3 mois précédant une élection. L'autre impose aux réseaux sociaux des obligations de transparence lors de la diffusion de contenus payants. Plus de cigarettes dans les parcs. Après Strasbourg dimanche, la ville de Paris réfléchit à créer à son tour des zones sans tabac dans les jardins publics. Hier, le conseil de la capitale a décidé d'expérimenter la mesure cet été dans 4 lieux qui restent à définir. À terme, elle pourra être généralisée à tous les espaces verts. Des nouvelles rassurantes, des 12 enfants coincés depuis 11 jours dans une grotte en Thaïlande. Une vidéo enregistrée hier les montre en bonne santé. Ils ont pu manger, ont été examinés par un médecin. Leur entraînement à la plongée a par ailleurs débuté afin de permettre leur évacuation au plus vite. Mais le retour s'annonce compliqué, plusieurs kilomètres avec de longs passages sous l'eau. Les sports et journée off au mondial de foot en Russie. Les premiers quarts de finale débuteront vendredi avec France-Uruguay à 16h, puis Brésil-Belgique à 20h. Hier, l'Angleterre et la Suède ont été les derniers à se qualifier. Pour le prochain tour, la Colombie et la Suisse ont été éliminées. À noter que les Anglais n'avaient plus atteint les quarts d'une Coupe du Monde depuis 2006. La météo dans la matinée, le temps sera plutôt calme malgré la possibilité de quelques averses du sud-ouest aux frontières du nord. Petit à petit, ça va se dégrader avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation orageuse. Au cours de la journée, les éclaircies seront entrecoupées d'averses. Puis en fin d'après-midi, on attend de la pluie, même de la grêle au sud de l'Aquitaine, puis de la région Midi-Pyrénées au centre-est du pays. Les températures ce matin, il fait 15 degrés à Strasbourg, 16 à Arras, 17 à Blois et Landerneau, 18 à Annecy, 19 à Paris, 21 à Biarritz et Porto Vecchio. Au 22 à Nice. Cet après-midi, on attend 25 degrés à Laval, 27 à La Rochelle, 28 à Valenciennes, 29 à Paris et Dijon, 31 à Istres, 32 à Clermont-Ferrand et 34 à Toulouse. RTL 2. Michael Jackson, c'est donc Carabados sur RTL2. Bon réveil, tous les matins, 6h-9h, le double expresso de l'été sur RTL2. 6h07, bonjour à tous, bonjour Justine. Et salut Greg, salut tout le monde. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien mieux que toi. Bah non mais moi ça va, mais je sais pas pourquoi ce matin je me suis levé avec la voix un peu partie. Bah ça bon. Y est, hein. Petite extinction de voix. J'ai l'impression d'être Eric Jean-Jean. Tu vois, salut les copains du Drive, comment ça va? Bonjour à Jérémy qui est aux manettes. Bonjour Greg, bonjour Juju. Bonjour, bonjour à Max qui est aux réseaux sociaux. Bonjour l'équipe. Il y aura évidemment l'info expresso à 6h18, l'horoscope à 6h25, le winner du jour à 6h35 et puis le journal des festivals à 6h55. Hein. Hier, mais tu as peut-être crié par rapport au foot hier soir, non? Non, même pas. J'ai travaillé normalement pour le foot, mais j'ai pas plus crié pour l'Angleterre ou la Colombie en vrai. Parce qu'il y a eu ça a été jusqu'au tir au but, ben même oui, moi j'ai regardé. Ça n'arrête pas en ce moment d'aller au tir. On pourrait se coucher tôt, les matchs commencent à 20h, ils nous font finir ça à minuit. Ouais, il faut dire qu'elle est excitante cette Coupe du Monde, mais pour ceux qui n'aiment pas le foot, il n'y a pas de foot pendant deux jours. Quelle horreur, comment on va faire? Non mais ça fait du bien aussi, un peu de pause là. Je sais pas, mais du coup je vais devoir parler aux gens qui sont dans mon salon, ma famille là. Ah ouais, c'est ça. Je sais même pas qui étaient ces petits êtres et qui était cette dame blonde, qu'est-ce que vous voulez. Ça va lui faire du bien de te retrouver un petit peu. Mais, hein, mais je vais me planquer pendant deux jours, je suis en banque. Voici Pink sur RTL, de bonjour à tous. Running like a dog, fighting like a bitch too much, and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, 'cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, 'cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. I'll fall apart. I feel like the ship's going down tonight, but it's always darkest before the light, and that's enough for me to try. Whatever you want, whatever you need, whatever you do, even if I say that it's over now, even for me. Sur RTL2, Whatever You Want, 6h11. Oula, j'essaie de maîtriser, mais par moments ça fait idi. Je suis là, c'est t'inquiète pas. C'est la Saint-Florent et puis l'Info Expresso arrive. Hein. L'Info Expresso arrive, on va parler de Barbie qui veut faire de nos enfants des scientifiques. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Tout arrive. Et pour le son pop rock, Jérémy? Un petit follow me des familles, signé Muse. Pas mal joué. A tout de suite sur RTL2. RTL2 vous invite au concert de Maroon 5 à New York. Restez bien à l'écoute de la radio pop rock. Et vous,

Expresso RTL de Follow Me, 6h19. Bonjour. L'info de l'été du Double Expresso RTL2. L'info Expresso de l'été avec Justine, évidemment. Et là, on part de Barbie. C'est ça, on repart en enfance. Oui, c'est un article que j'ai trouvé sur Le Parisien aujourd'hui en France. Alors, fini les clichés. Non, la poupée Barbie n'est pas une potiche. Ah oui. La célèbre poupée de chez Mattel vient de décrocher un nouveau job, sachez-le. Barbie est en effet devenue ingénieure en robotique. L'objectif, c'est de déclencher des vocations scientifiques chez les petites filles, parce que sachez qu'aujourd'hui, seuls 24% de ces emplois sont tenus par des femmes. Donc, il faut bouger tout cela. Ah, c'est-à-dire que c'est quand même un exemple, Barbie. Si on arrêtait de faire fabriquer des machines à laver, des fers à repasser dans les rayons filles... Ça y est, ça commence. Ah, il y en a encore, mais enfin bon, c'est pas mal de faire ça aussi, je trouve. Non, puis ça commence, les petites cuisines, c'est pas que pour les filles, hein. Il y a les garçons. Mon petit bonhomme, il adorait ça. J'ai offert ça à mes neveux. Ah ouais, j'adore ça. Et dans un autre genre, il a été constaté quand même qu'aux États-Unis, vous savez la série X-Files des années 80, ouais, bien sûr. Eh bien, on suivait les aventures de Dana Scully, c'était une agente du FBI. Elle était diplômée en médecine, en physique, et elle a eu une influence non négligeable, puisque parmi les jeunes filles qui regardaient la série, deux tiers de celles qui travaillent aujourd'hui dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques déclarent que ce personnage a été un modèle. Bah c'est évident, il faut des modèles télé ou jouer, comme tu l'as dit avec Barbie, bien sûr. Donc après l'effet Scully, pourquoi pas l'effet Barbie? En tout cas, cette Barbie ingénieure est disponible aux États-Unis en ce moment. Et elle coûte 12 euros à peu près, elle à peu près 14 dollars. Moi aussi, ça m'angoisse beaucoup. J'ai tellement adoré cette série X-Files. Bien joué de l'avoir retrouvé, Jérémy. Alors évidemment, ça marche aussi pour Justine Salmon. Il y aura bientôt une Barbie animatrice radio, hein, pour toutes les jeunes filles qui veulent devenir des stars du matin. La consécration. Ah oui, attends, au lieu d'être, avec un petit chien, un bateau, un fer à repasser, poum, t'as une console. Oh, j'adorerais. Un casque, un micro et la Barbie Justine. Tu vois, un truc super sympa, quoi. Bah, ça serait sympa, non? Bah, génial. J'ai hâte. On écoute Police, Don't Stand So Close To Me sur RTL2. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Shut up. Stand So Close To Me sur RTL2. Dans le double expresso, il est 6h24. Voici votre horoscope, les médailles de bronze, Justine et les Gémeaux. Vous tournez un peu en rond, il faut sortir de cette routine. Les Vierges. Vous vous êtes levé du pied gauche, n'en rendez pas les autres responsables. Sagittaire. Vous ne faites pas forcément les bons choix en ce moment. Posez-vous et prenez du recul. Ayant beaucoup de médailles de bronze ce matin, il y a aussi les Verseaux. Petite baisse de motivation ces derniers temps, essayez d'aller de l'avant. Médaille d'argent pour les Béliers. Et vous faites tout pour améliorer votre relationnel, cela vous ouvre des portes. Les Taureaux. Vous avez la pêche et le sourire, rien vous amuse. Lion. Tout le monde est aux petits soins pour vous aujourd'hui, que c'est bon d'être chouchouté. Balance. Vous êtes très rigoureux dans votre travail, cela porte ses fruits. Les Scorpions. Vous débordez d'énergie, faites un peu de sport pour vous défouler. Capricorne. Vous avez décidé de prendre du temps pour vous et rien que pour vous, c'est une très bonne idée. Les Poissons. Vous êtes à l'aise dans toutes les situations, un vrai poisson dans l'eau. Oh, c'est excellent. Et la médaille d'or du jour, c'est pour ? Pour les cancers, rien ni personne ne peut se mettre en travers de votre route. Vous êtes un véritable rock. 6h25, c'est le double expresso RTL 2 de l'été. Bonjour. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, then baby you don't even know. When the world is out. You're the best thing about me dans le double expresso RTL 2. Il est 6h28, on vous prépare aussi les Red Hot Chili Peppers. Et puis ton winner du jour, Justine, à 6h35. Alors vous savez, il y a ceux qui se lancent à les défis de traverser des mers en bateau ou à la nage. Et puis, il y a notre winner. Bon, bah, j'ai hâte de le connaître. A tout de suite sur RTL 2. Bon réveil. Tout l'été, partout en France, RTL 2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Retrouvez les fréquences RTL 2 sur rtl2.fr ou écoutez l'appli RTL 2, la radio pop rock. Chérie, ça t'ennuie si j'essaie ces 5 robes? C'est-à-dire que... Voilà, c'est fait. Je prends celle-là. Les essais, c'est toujours mieux quand c'est efficace. pendant les Alpha Days, profitez d'offres exceptionnelles. Bénéficiez en plus d'une prime à l'essai allant jusqu'à 1000 euros et repartez immédiatement au volant de votre Alfa Romeo. Ceux qui n'aiment pas attendre vont adorer. Offre valable pendant les Alpha Days, les jours Alpha, du 26 juin au 20 juillet sur modèle identifié en stock disponible avec délai de livraison. Détails sur alfaromeo.fr. Événement. Du 1er au 31 juillet, le Festival de Carcassonne réunit les plus grands artistes dans un site unique en France, au cœur de la cité médiévale. Simple Minds. Angus et Julia Stone. A.A. Robert Plant. Calogero. Julien Doré. Bess Ditto. Jane. Algie. Les Négresses Vertes et plein d'autres artistes. Réservation sur festivaldecarcassonne.fr. Il est 6h30, bon réveil avec le double expresso RTL 2, les infos, c'est tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Nicolas Hulot au chevet de la biodiversité. Le ministre de la Transition écologique dévoile aujourd'hui un plan visant à enrayer le déclin des espèces et la pollution des terres. L'une des 90 mesures attendues prévoit la protection des cétacés. Autres annoncent l'obligation pour les collectivités locales de rendre publiques les quantités de pesticides utilisées sur leur territoire ou encore la suppression progressive de certains produits en plastique comme les pailles ou les touillettes à café. Le calme est revenu à Nantes ce matin. Hier soir, des violences urbaines ont éclaté dans trois quartiers sensibles de la ville après la mort d'un jeune homme de 22 ans au cours d'un contrôle de sécurité. Un CRS a ouvert le feu alors qu'il tentait de s'enfuir. Des bâtiments, des poubelles et des voitures ont été incendiés. Le verdict est tombé dans le procès du proxénétisme des cités. Il y a 2 ans, ils avaient prostitué une vingtaine de jeunes filles en Île-de-France. Des mineurs, pour la plupart âgés de 14 à 17 ans. Les 12 prévenus ont été condamnés à des peines allant de 6 mois avec sursis à 3 ans et demi de prison ferme. La loi fake news validée à l'Assemblée. Les députés ont voté cette nuit les 2 propositions de loi controversées contre la manipulation de l'information. L'une vise à permettre à un candidat ou à un parti politique de saisir la justice pour faire cesser la diffusion de fausses informations durant les 3 mois précédant une élection. L'autre impose aux réseaux sociaux des obligations de transparence lors de la diffusion de contenu contre rémunération. Pas de répit sur le front des incendies aux États-Unis. Les flammes attisées par la chaleur et les vents violents continuent de ravager la Californie. Le foyer le plus important s'étend sur 28 000 hectares. Des habitants ont dû être évacués. Plus de 2 000 pompiers sont mobilisés. Les sports et l'affiche des quarts de finale du mondial de foot est désormais complète. L'Angleterre et la Suède ont pris les 2 dernières places hier en battant respectivement la Colombie et la Suisse. Pas de match aujourd'hui ni demain. La reprise est prévue pour vendredi avec France-Uruguay à 16h. Et puis le tennis à Wimbledon, début du deuxième tour aujourd'hui. À suivre côté français, Kristina Mladenovic, Lucas Pouille, Gaël Monfils et Adrian Malarino. La météo des plages du côté de la mer du Nord et de la Manche. Le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Au plus chaud de la journée, il est prévu 24 degrés au Touquet avec une mer à 18 degrés. En Bretagne, comptez 22 degrés à Brest, température de l'eau 18 degrés. Sur le golfe de Gascogne, en revanche, le temps très orageux avec un risque de grêle ne sera pas vraiment à la baignade. À la Cano, on attend 26 degrés et un océan à 22 degrés. Au programme sur les côtes méditerranéennes, par contre, soleil et ciel bleu. Comptez 27 degrés à Le Cat avec une eau à 23 degrés. Et puis en Corse, 30 degrés à Ajaccio avec une mer à 24 degrés. Le winner du jour arrive juste après les Red Hot Chili Peppers. C'est Californication sur RTL 2. Bon réveil. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Unicorn, hardcore. Californication sur RTL2, 7h25. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Alors un petit mot d'excuse pour celles et ceux qui arrivent, qui se réveillent pour ma voix un petit peu abîmée ce matin, mais Justine est là évidemment avec petite le winner du jour. Petite extinction de voix. Oui, on est sur de la clim un peu partout. Le winner qu'on a trouvé sur westfrance.fr. Je vous parle de Jean-Jacques. Jean-Jacques Savin, il habite à Arès en Gironde, il a 71 ans. C'est un militaire à la retraite et il s'est lancé le défi de traverser l'océan Atlantique. Ah bah oui, bah ça c'est fréquent. Voilà, ça. Il veut partir en janvier 2019 depuis les îles Canaries pour débarquer à l'ouest des Caraïbes, 3 mois plus tard. Ah oui, le vrai traversé. Voilà. Oui. Il a un modèle, c'est Alain Bombard son modèle, c'est un médecin qui a traversé l'Atlantique en 1952 sur un radeau pneumatique. Et cet homme, il avait déclaré qu'il était possible d'effectuer la traversée sans moteur, voile, ni même pagaie. Et donc Jean-Jacques, il s'est dit, je veux relever ce défi, depuis 20 ans il se dit ça. Bah, qu'est-ce qu'il reste s'il n'y a pas de moteur, ni donc, voile, ni pagaie? Bah voilà, il va tenter de faire cette traversée, donc pas sur un bateau, ni sur un radeau, mais sur un tonneau. Un quoi ? Un tonneau, mais un tonneau amélioré quand même, hein, fait de bois et de résine polyester. Un tonneau qui va mesurer 3 mètres de long et 2 mètres de large. Il possédera une quille aussi pour éviter le roulis. Il y aura des hublots, une écoutille pour sortir pêcher au harpon. Une couchette aussi. Ah oui, oui. Donc l'embarcation est en construction en ce moment à Arès, dans un chantier naval. Ce Jean-Jacques, il est toujours à la recherche de financement. Il a lancé une cagnotte en ligne, si vous voulez l'aider. Et une page Facebook permettra à tout le monde de suivre ses aventures. C'est plutôt rigolo. Des sous-sous pour le tonneau de Jean-Jacques sur sa page c'est Facebook. Marrant, on quand vous même. Poste le lien sur notre page Facebook. Et oui, c'est un défi, quoi. Bah oui, à 71 ans, moi, je trouve ça chouette. Tu le ferais ? Non, toi, tu prendrais le tonneau, tu mettrais du vin. Bonjour, bon réveil, 6h37. Marcher droit et être fier.

7h45, bonjour à tous, c'est le double expresso de l'été. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. On écoutera Midnight Oil, Cats and Trees, il y aura le journal des festivals pour savoir où chanter, où danser cet été. Mais pour le moment, en version unplugged, voici Nirvana, Come As You Are. Et c'est sur RTL2. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as a friend, as a Gloria Cher et Justine Salmon, jusqu'à 9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL 2. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the sirens calling. Cat Centuries dans le double expresso RTL de Siren's Call. Chaque jour à 6h55, 8h55, vous le savez, vous retrouvez votre journal des festivals. Et ça se passe seulement dans le double expresso RTL 2. Vendredi soir débutera donc le festival Beauregard à Hérouville, Saint-Clair en Normandie. Charlotte Gainsbourg et Olizy s'ouvriront le bal. Et puis le samedi, vous retrouverez Simple Minds et The Offsprings. C'est les consonnes, hein. Olysses. Oui, bah, je me trompe toujours. Oh, en plus, je l'adore. Olysses, Osiris. Vous pourrez assister aussi au concert de Malo le dimanche. Ouais. Et le festival s'achèvera le lundi soir avec un grand concert de Dépêche Mode. Ça va être dingue. Dans une semaine, jour pour jour, nos auditeurs Rochelais assisteront à l'ouverture des Francofolies. Ça va jusqu'au 15 juillet. Le mercredi, il y aura Loïc Noté et Calogero. Le 13 juillet, ce sera autour de Chaka Ponk et puis Juliette Armanet qui clôturera l'événement, ce sera le 15. Et puis ce week-end, le festival des Déferlantes ouvrira ses portes à Arles-sur-Mer. Lenny Kravitz s'y produira samedi pour un grand c'est concert. C'est Argelès en fait, il y a eu une petite faute de frappe, c'est Argelès-sur-Mer. Argelès-sur-Mer. Le festival se produira le lundi avec la prestation d'attention d'Olysis. Impossible, tu l'entends, on l'entend en longueur de journée. Je l'écoute toute la journée en plus. J'arrive pas. De toute façon, on l'a fait à 8h55 cette chronique. Hein. Et Liam Gallagher clôturera l'événement mardi soir. Bonjour et bon réveil. 6h53, voici Midnight Oil sur RTL 2. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels. At 45 degrees, the time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to. Let's give it back. How can we dance when our world is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our world is turning? Give it back. Midnight Oil dans le Double Expresso RTL de Bazar Burning 6h57. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Julien Doré, REM et vos infos, c'est la suite du Double Expresso de l'été et c'est sur RTL 2. À tout de suite. RTL 2 vous invite au concert de Maroon 5 à New York. Restez bien à l'écoute de la radio pop rock. Cuisine Xina. Alors, plan de travail, électro, finition, design, ça vous fait... Cher, c'est ça. Ah non, ça vous fait une très belle cuisine en solde. Félicitations. En ce moment, chez Xina, jusqu'à moins 50% sur les cuisines d'exposition. Quand Xina, tout va, voire conditions en magasin. Des soldes à la halle, oui, mais des soldes fantastiques. Pour sa nouvelle démarque, la halle s'engage à vous proposer encore plus de choix, jusqu'à moins 70%. Moins 70% sur une immense sélection de vêtements et de chaussures. Ça, c'est fantastique. Vite, en magasin et sur lahalle.com. La halle, c'est vraiment vous. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Des prix qui donnent la pêche dans votre géant. Jusqu'au 7 juillet, bénéficiez de 30% de remise en bon d'achat sur toutes les variétés de nectarines dans votre géant. Oui, 30% de réduction en bon d'achat sur toutes les variétés de nectarines. Et ça, c'est géant. Les prix bas, c'est... Géant ! Bon d'achat valable dès le lendemain de son émission jusqu'au 13 juillet uniquement dans le rayon fruits et légumes. MC. Cette année encore, le Marrakech du Rire est sur M6. Pour sa 8e édition, Jamel Debbouze a invité une pléiade d'artistes. Kev Adams, Jeff Panaclock, Malik Bentala ou encore Camille Lelouch, Ahmed Silla et Anne Roumanoff. Toute la famille du Rire vous réserve des sketchs inédits et des surprises exceptionnelles. Inédit, le Marrakech du Rire présenté par Jamel Debbouze, c'est demain à 21h sur M6. Chérie, j'ai craqué. Comment ça ? Oh, j'ai pas résisté, j'ai acheté un pot de yaourt. Ah, et alors ? Bah, il était si mignon, si glamour. À ce prix-là, 8 990 euros. Comment ça, 8 990 euros ? Attends, j'ai peur, là. Non, mais je te parle du pot de yaourt. Oh, génial, tu t'es offert ta Fiat 500. Oui. Depuis le temps que t'en rêvais. En juillet, fêtez l'anniversaire 500. Et craquez-vous aussi pour son charme. Fiat 500 est à partir de 8 990 euros seulement. Offre sous conditions de reprise, prime à la conversion gouvernementale et bonus éco-Fiat déduit jusqu'au 31 juillet sur Fiat 500 Pop 1 litre 2. Détails sur fiat.fr. Fiat. Bonjour et bon début de journée. Il est 7h, bienvenue sur RTL 2. C'est l'heure des infos et c'est avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Vague de violence à Nantes, cocktail Molotov, voiture et bâtiment incendié. Des violences urbaines ont éclaté hier soir dans trois quartiers sensibles de la ville après la mort d'un jeune homme de 22 ans au cours d'un contrôle de sécurité. Un agent a tiré alors que le suspect refusait d'obtempérer. La balle a touché la carotide. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. Jean-Claude Gaudin, convoqué par la gendarmerie. Le maire de Marseille a été entendu pendant 7 heures hier sous le statut de l'audition libre. Il a été interrogé dans le cadre d'une enquête sur le temps de travail des employés municipaux, des soupçons de détournement de fonds publics, des heures supplémentaires injustifiées pourraient avoir été payées à des salariés du SAMU social via un système de faux pointage. Ça passe pour la loi fake news. Les députés ont voté cette nuit les deux propositions de loi controversées contre la manipulation de l'information. L'une vise à permettre à un candidat ou à un parti politique de saisir la justice pour faire cesser la diffusion de fausses informations durant les trois mois précédant une élection. L'autre impose aux réseaux sociaux des obligations de transparence lors de la diffusion de contenu contre rémunération. Plus de cigarettes dans les parcs. Après Strasbourg dimanche, la ville de Paris réfléchit à créer à son tour des zones sans tabac dans les jardins publics. Hier, le conseil de la capitale a décidé d'expérimenter la mesure cet été dans 4 lieux qui restent à définir. À terme, elle pourra être généralisée à tous les espaces verts. Des nouvelles rassurantes des 12 enfants coincés depuis 11 jours maintenant dans une grotte en Thaïlande. Une vidéo enregistrée hier les montre en bonne santé. Ils ont pu manger, ils ont été examinés par un médecin militaire. Leur entraînement à la plongée a par ailleurs débuté afin de permettre leur évacuation au plus vite, mais le retour s'annonce compliqué. Plusieurs kilomètres avec de longs passages sous l'eau. Le sport est journée off au Mondial de foot en Russie. Les premiers quarts de finale débuteront vendredi avec France-Uruguay à 16h, puis Brésil-Belgique à 20h. Hier, l'Angleterre et la Suède ont été les derniers à se qualifier pour le prochain tour. La Colombie et la Suisse ont été éliminés. À savoir que les Anglais n'avaient plus atteint les quarts d'un Mondial depuis 2006. La météo, dans la matinée, le temps sera plutôt calme et ensoleillé malgré la possibilité de quelques averses du sud-ouest aux frontières du nord. Au cours de la journée, les éclaircies seront entrecoupées d'averses, puis ça va se dégrader. Météo France vient de placer 19 départements du sud-ouest en vigilance orange aux orages. L'alerte s'étend des Pyrénées-Atlantiques à l'Allier. On attend beaucoup de pluie et de la grêle. Les températures, ce matin, il fait 15 degrés à Strasbourg, 16 à Arras, 17 à Blois et à Landerneau, 18 à Annecy, 19 à Paris, 21 à Paris. À Biarritz et Propriano et 22 à Nice. L'après-midi, on attend 25 degrés à Laval, 27 à La Rochelle, 29 à Paris et Dijon et 32 degrés à Clermont-Ferrand. 7h03, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, salut à tout le monde. Bienvenue dans le Double Expresso, salut à tout le salut monde. Tous, salut tous, salut tout le monde. Justine Salmon et Julien Doré, Porto Vecchio sur RTL2. La lumière est divine sur le Porto Vecchio. Les nuages et le spleen ont tatoué ma peau. Je nage dans le murmure des vagues. J'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Jusqu'à 9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL2. 7h06, bonjour à tous, bonjour Justine. Oh, il m'agace. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. D'entrée des 7h06, je t'agace. Le bruit que vous entendez quand on parle, c'est Max, notre responsable des réseaux sociaux, qui s'assoit. Mais c'est pas possible, toi. Et pourtant, je fais attention. Ah oui, mais tu t'assois avant. Enfin. Je peux pas vous gronder parce que j'ai pas de voix, mais je vous assure que je pourrais vous gronder. Et puis, je pense que tu vois les gens qui nous écoutent, ils s'en fichent aussi. Bonjour Jérémy. Bonjour l'équipe. Je suis désolé, je voudrais saluer tous les habitants de Cahors qui nous écoutent désormais sur le 98.4, nouvelle fréquence RTL2. Je tiens à vous dire que normalement j'ai une voix un peu plus agréable. Bienvenue à tous. Voilà, ça va? Ça va en pleine forme. Bon, on est content d'avoir une nouvelle fréquence. On aura évidemment l'info expresso à 7h18. Je vais vous parler d'une chose qu'on connaissait dans Harry Potter et qui arrive dans la vraie vie. Voilà. Bon, c'est pas le train magique, mais un truc assez sympa. L'horoscope à 7h25, la chanson du jour et puis la roue pop rock, un seul numéro de téléphone. Le 3228 pour gagner un séjour à l'hôtel 4 étoiles Dolce Frégate Provence à Bandol. Voilà, et puis les savoirs inutiles, on vous dira comment est né l'aspirateur. Intéressant. Je fais un teasing de fou. Voici quand même sur RTL2. REM. Ah oui, il faut que je parle en aigu. REM, Shiny Happy People. Bon, Justine, ça va bien? T'es en forme? Oui, ça va. Tu veux pas me prêter un peu de voix? Bah écoute, j'aimerais bien. J'aimerais bien t'en donner. Jérémy, tu veux pas me prêter un peu de voix? Ah non. Non, bah d'accord. Bah je vois qu'il y a beaucoup de générosité. Dans l'info expresso de 7h18, je vais vous parler de la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Vous vous souvenez, il a une cape d'invisibilité qui permet de se cacher. Oui. Et bah, elle existe dans la réalité. En vrai, on est en train d'inventer la cape d'invisibilité. Je vous en parle dans quelques secondes et on écoutera Imagine Dragons. Ouais, c'est pas des bêtises, hein. Ouais. Bah, si tu veux tout savoir, tu restes. Whatever it takes, à suivre. J'ai pas trop le choix non plus. Oui, enfin, c'est assez agréable. Tout l'été, partout en France, RTL2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Retrouvez les fréquences RTL2 sur rtl2.fr ou écoutez l'appli RTL2. Bonnes vacances avec RTL2. La radio pop rock. Chez But, avec l'opération Crazy Literie, moins 50% sur un oreiller. Et bim! En ce moment, chez But, moins 50% sur l'oreiller Ergosoft Dreamea à mémoire de forme, qui passe de 19,99€ à 9,99€ seulement. Crazy Literie, literie en folie. Décathlon, c'est aussi la joie du surf, de la recherche de la vague, d'être à l'eau entre amis, du spot parfait, du soleil sur la peau, de cette sensation de liberté, de glisse, du geste... Oui, oui, on a compris. Et cet été, c'est aussi la joie d'un board short surf Olayan, modèle 100, disponible en 16 coloris, à seulement 8€ chez Decathlon.

singing on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip. Parenthetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die. Leave the body of my soul to be a part of me. I'll do what it takes, whatever it takes. Imagine Dragons sur RTL de 7h19. L'info de l'été du double expresso RTL 2. Mais alors Greg, nous sommes tout oui. Mais oui. On va pouvoir se procurer la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Oui, c'est passé, t'as réussi presque à le dire. Alors attention, parce que vous le j'ai savez... J'ai réussi, non mais oh. Oui, t'as réussi. La cape d'invisibilité, c'est chez Harry Potter quand même un truc absolument incroyable. Ouais. On rêve aussi de l'avoir, tu te planques sous la cape, d'un coup tu disparais, tu te fonds dans le paysage. Eh bien, ce sera bientôt possible grâce à une équipe de chercheurs de l'Institut National de la Recherche Scientifique de Montréal. Des Canadiens ont, après plusieurs années de recherche, réussi à mettre au point une technologie d'invisibilité. Alors comment ils ont fait ? Ils ont, en fait, menti à l'œil. Je vous explique. Les scientifiques ont développé un système visant à tromper l'œil humain afin qu'il ne perçoive pas les ondes, donc la lumière, donc l'image, renvoyée par un objet. Donc grâce à une savante association de fréquences, des dispositifs placés de part et d'autre de l'objet, l'observateur ne voit rien dans son champ de vision. C'est-à-dire que tu es là, tu mets par-dessus toi ta petite cape magique, ouais. Mais il ne te voit pas parce qu'on a menti à l'œil. Un peu comme la 2D et la 3D, on ment à l'œil pour faire croire que les objets viennent vers toi. Donc en fait, ils n'ont pas inventé de quoi être invisible, ils ont inventé de quoi cacher l'objet à notre œil et à notre cerveau. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il faut que l'œil et l'objet soient situés à une certaine distance et que le regard vise la bonne direction. Alors, oui, ok, c'est pas tout à fait la cape d'invisibilité. Plus à gauche, plus à droite, plus en haut, plus en bas. Et tu gagnes cache-cache, tu vois, c'est plutôt... Ouais. Non mais c'est ça, pour ça, dire ça, c'est vrai, c'est... Ça, c'est vrai, c'est une réflexion intelligente. Ah oui. Pour les cache-cache. Je te remercie. Et cela dit, moi, dans mon top 3 des super-pouvoirs, je pense que je prendrais l'invisibilité si j'avais le choix. Moi, j'aimerais bien, ça. Moi j'aimerais bien voler. Ah bah oui, ça marche, mais vous l'avez déjà joué à ce jeu du top 10, oui, qu'est-ce que tu prendrais sûr. Bah voilà, bien sûr. Bah oui. L'invisibilité quand même, c'est... Mais il y a un petit côté pervers qui me gêne, donc je prendrais le côté je vole, hein, tu vois. Bon, puis je m'achèterais une voix aussi, tu vois. Ça, ce serait pas mal aussi. On vous poste ça sur la page Facebook RTL du Double Expresso. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Meet me at the cinema. You can take me in your car. I'll lie in the back and stare at the planes.

Alors, plan de travail, électro, finition, design, ça vous fait... Cher, c'est ça. Ah non, ça vous fait une très belle cuisine en solde. Félicitations. En ce moment, chez Ixina, jusqu'à moins 50% sur les cuisines d'exposition. Quand Ixina, tout va. Voir conditions en magasin. RTL2. Avec Auchan, les bons plans s'invitent chez vous. Les enfants sont attendus par maman dans l'entrée avec leurs anciens sacs et cartables pour aller chez Auchan. Jusqu'au 31 juillet, Auchan s'engage aux côtés de la société coopérative Le Relais pour offrir une seconde vie à tous les cartables. Vous aussi, rapportez vos anciens cartables et repartez avec un bon de réduction de 20 euros à valoir sur la maroquinerie et les fournitures scolaires. Allez, allez, on se dépêche pour faire une bonne action et des économies. Avec Auchan, c'est toujours la saison des bons plans. Voir conditions en magasin. Claire donne son sang. Mehdi donne son sang. Luc et Fatou donnent leur sang, mais pas Chloé. Paul et Marie-Claude y pensent, mais ne le font pas. Alors les réserves baissent. Avec les vacances, l'établissement français du sang a vraiment besoin de tout le monde. Parce que les maladies ne prennent pas de vacances, partagez votre pouvoir. Donnez votre sang, dès maintenant. Et vous, qu'avez-vous prévu pour cet été? Refaire votre cuisine? Partir en vacances? Acheter une nouvelle télé? Quel que soit votre projet, jusqu'au 22 août, profitez du prêt perso Sofinco à partir de 2,99% dès 12 000 euros de 25 à 48 mois. Smart, non? Contactez-nous au 3005. Taux annuel effectif global fixe 2,99% pour 12 000 euros sur 48 mois pour 265,35 euros par mois. Montant total du 12 736,80 euros. Offre soumise à condition au 3005 ou sur sofinco.fr sous réserve d'acceptation par Sofinco marque CA Consumer Finance Prêteur. Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Les experts Peugeot vous accompagnent à chaque moment clé de la vie de votre véhicule. Pour son passage au contrôle technique, ils s'occupent de tout. Et pendant que votre véhicule est immobilisé, ils vous en prêtent un, pour rester libre de vos mouvements. En ce moment chez Peugeot, le pack contrôle technique avec pré-contrôle, contrôle technique et véhicule de remplacement est à 99 euros, quelle que soit la marque de votre véhicule. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Il est 7h30, bienvenue dans le double expresso RTL2. C'est l'heure des infos et c'est avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Nicolas Hulot au chevet de la biodiversité, le ministre de la Transition écologique dévoile aujourd'hui un plan visant à enrayer le déclin des espèces et la pollution des terres. L'une des 90 mesures prévoit d'obliger les collectivités locales à rendre publiques les quantités de pesticides utilisées sur leur territoire. Autre annonce attendue, la suppression progressive de certains produits en plastique comme les pailles ou les touillettes à café qui finissent souvent sur les plages ou dans les océans. Le calme est revenu à Nantes ce matin. Hier soir, des violences urbaines ont éclaté dans trois quartiers sensibles de la ville après la mort d'un jeune homme de 22 ans au cours d'un contrôle de sécurité. Un CRS a ouvert le feu alors qu'il tentait de s'enfuir. Des bâtiments, des poubelles et des voitures ont été incendiés. L'IGPN a ouvert une enquête. Le verdict est tombé dans le procès du proxénétisme des cités. Il y a 2 et 3 ans, ils avaient prostitué une vingtaine de jeunes filles en Île-de-France, des mineurs pour la plupart âgés de 14 à 17 ans. Les 12 prévenus ont été condamnés à des peines allant de 6 mois avec sursis à 3 ans et demi de prison ferme. Plus de postes dans les universités. Le gouvernement annonce la création de 10 000 emplois dans l'enseignement supérieur, notamment dans les IUT où la demande est particulièrement forte. 21 000 postes supplémentaires ont déjà été actés en BTS et à la fac cette année. Pas de répit sur le front des incendies. Aux États-Unis, les flammes attisées par la chaleur et les vents violents continuent de ravager la Californie. Le foyer le plus important s'étend sur 28 000 hectares. Des habitants ont dû être évacués. Plus de 2 000 pompiers sont toujours mobilisés. Et puis les sports, à l'affiche des quarts de finale du mondial de foot, est désormais complète. L'Angleterre et la Suède ont pris les deux dernières places hier en battant respectivement la Colombie et la Suisse. Pas de match aujourd'hui ni demain. La reprise est prévue pour vendredi avec France-Uruguay à 16h. Et puis le tennis à Wimbledon avec le début du deuxième tour aujourd'hui. À suivre côté français, Kristina Mladenovic, Lucas Pouille, Gaël Monfils et Adrien Manarino. Hier, Caroline Garcia a été sortie dès son entrée en lice. La météo des plages, du côté de la mer du Nord et de la Manche, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Au meilleur de la journée, il est prévu 21 degrés à Calais avec une mer à 17 degrés. En Loire-Atlantique, comptez 24 degrés à Pornic, température de l'eau 20 degrés. Sur le golfe de Gascogne, le temps très orageux avec un risque de grêle ne sera pas vraiment à la baignade. À Saint-Jean-de-Luz, on attend 24 degrés et un océan à 23 degrés. Au programme, en revanche, sur les côtes méditerranéennes, beaucoup de soleil, un ciel bleu. Comptez jusqu'à 30 degrés à Saint-Tropez, une eau à 24 degrés, 29 degrés à Sagone en Corse avec une mer à 24 degrés. Bon réveil, tous les matins 6h-9h, le double expresso de l'été sur RTL2. Adèle sur RTL 2, 7h36. RTL 2, la chanson du jour. Alors, l'été, c'est ma chanson du jour, mais ce sont aussi les numéros 1 de l'été, hein, Justine, c'est normal. On repart quelques petites années en arrière avec un groupe mythique, une chanson célèbre de chez célèbre. Je vous parle des Beach Boys. Ah oui, ah oui, les Beach Boys. Ah bah oui, bah attendez, c'est l'été, il fait beau. Donc, une chanson écrite par Brian Wilson qui s'appelle Surfing USA, qui veut dire surfer aux États-Unis. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire de cette chanson? Pas du tout. C'est assez étonnant. En fait, Brian Wilson sort avec une jeune femme dont le frère est un fou absolu de surf. Le frère, enfin son beau-frère, donc, du moment, adore le surf. Alors, Brian Wilson a l'idée d'écrire une chanson. Ils s'en mettent pas, mentionnons tous les spots de surf de l'État de Californie. Comme ça, il vous met tous les spots de surf, ça lui fait une parole, c'est tranquille. Il rajoute des spots d'Hawaï et d'Australie et roule ma poule, on a une chanson. Sauf que, Chuck Berry, la légende du rock Chuck Berry, trouve que la mélodie est très, voire trop similaire à celle de sa chanson Sweet Little Sixteen. Et c'est pourquoi, dans les crédits de cette chanson, ce n'est pas Brian Wilson qui apparaît, mais Chuck Berry, qui, pour éviter un procès, a réussi à faire que cette chanson lui est créditée alors qu'il ne l'a pas du tout écrite. Il est malin, lui. Bah, c'est quand même assez étonnant. Donc, elle fait partie des 500 chansons façonnées qui ont façonné le rock. Elle fait partie du Rock and Roll Hall of Fame. On écoute les Beach Boys, Surf in USA, dans le double expresso RTL 2. Bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch him surfing at inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and inside, outside USA. Australia's Caribbean, inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down Bellini Way, inside, outside. Everybody's gone surfing USA. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing USA. Les Beach Boys, Surfing USA. Tu vois, quand j'entends ça, j'ai envie de prendre ma voiture décapotable, ma planche de surf et d'aller surfer. Bon, le problème, c'est que j'ai pas de voiture décapotable et que je sais pas surfer, mais. Oui, c'est surtout ça. Mais je viens d'une région de surf et je sais pas faire. Je suis une loutre dessus, c'est un enfer. Bah, c'est très dur quand même. Mais oui, je tiens pas. La vague arrive, j'ai peur. C'est hyper sexy. Bon, Dépêche-Mode arrive sur RTL 2. C'est sexy. Ah oui. C'était pas la question. RTL 2 vous invite au concert de Maroon 5 à New York. Restez bien à l'écoute de la radio Pop Rock. Peugeot, leader des SUV en France. Partez au volant d'un SUV Peugeot. Tous fabriqués en France, il y en a forcément un fait pour vous. Le SUV 2008, le compact, aussi à l'aise en ville qu'en montagne. Le SUV 3008, le concentré de technologie agile sur tous les terrains. Ou le SUV 5008, le grand 7 places ultra modulable. Cet été, profitez d'une reprise de 3000 euros en plus de l'Argus pour l'achat d'un SUV Peugeot. Conditions sur Peugeot.fr. Chez But, avec l'opération Crazy Litry, moins 50% sur un oreiller. Et bim! En ce moment, chez But, moins 50% sur l'oreiller Ergosoft Dreamea à mémoire de forme qui passe de 19,99 à 9,99 euros seulement. Crazy Litry, Litry en folie.

Sur RTL2, Enjoy the Silence. La roue pop rock RTL2. Bonjour Sonia, bonjour, bonjour. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Salut Sonia, ça va bien? Bah, mieux que Grégory. Oui, mieux que ma voix. J'écoutais, je fais trop d'efforts avec cette voix. C'est comme ça. Bon, vous m'entendez quand même, Sonia, ça va? Oui, très bien. Bon, c'est très sexy comme voix. Oh, lui, dites pas trop ça. Il est trop content. Du coup, je vais parler comme ça tous les jours. Bon Sonia, je vois que vous êtes fan de Vianney, c'est ça? Oui, j'aime beaucoup Vianney. Oui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est très sympa en plus. En plus, c'est un garçon adorable, sachez-le. Qu'est-ce que vous faites du sport aussi? Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je cours, du fitness. Oui, j'ai beaucoup de sport. Bon. Sonia, on va vous souhaiter évidemment de gagner un séjour à l'hôtel 4 étoiles Dolce Frégate Provence à Bandol. Il y a tout qui est compris, écoutez bien. Il y a le petit-déj, l'accès au sauna, piscine intérieure et extérieure, une salle de fitness, jacuzzi, la totale. Bon, c'est un très très beau cadeau. La roue pop rock, c'est simple, on la lance ensemble. Vous dites stop quand vous le souhaitez, c'est vous qui décidez. Et puis à vous de découvrir la chanson qui est derrière. Stop. But I guess you look happier, you do. Oh, facile. Qui est-ce qui chante? Oh, si. Sonia. Il est roux. Il est roux. C'est une star absolue. Et Tyrann. Oui. Il a juste un tout petit peu aidé. Bah, j'ai rien dit. J'ai donné sa couleur de cheveux. Bah, voilà. Juste sa couleur de cheveux. De toute façon, j'imagine que vous visualisiez qui était en train de chanter. Vous avez juste le nom qui vous échappait. C'est sûr. Bah, voilà. Oui, je l'avais, j'avais en tête. J'aime beaucoup. Ah, voilà. Vous gagnez votre séjour à l'hôtel 4 étoiles Dolce Frégate Provence à Bandol. On est très heureux pour vous. On vous embrasse, Sonia. Profitez bien. Vous irez 3 jours et 2 nuits vous relaxer, vous faire papouiller qui vous voulez. Ah, génial. Et... Sonia, gros bisous. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby, if you're moving on with someone new. 'Cause baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Guess you look happier, you do. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Baby, you look happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Ed Sheeran, c'était Happier dans le double expresso RTL 2. RTL 2, les savoirs inutiles. Pour briller en société. Ce matin, on va parler de votre, de notre quotidien avec un objet que l'on connaît tous plus ou moins. Ah. Pour cela, retour en 1901 en Angleterre. Hubert Cecil Booth, c'est un ingénieur. Il voit un employé nettoyer les sièges d'un train avec un souffleur. Ah oui, allez, on poussait les poussières, d'accord. C'est ça. Se disant qu'aspirer la poussière serait mieux que de la faire voler, ouais, il a donc tenté une expérience. Bon, que je trouve un peu dégueu. Ah oui, mais... Alors, il a tendu son mouchoir devant sa bouche grande ouverte. Il s'est approché d'un des sièges poussiéreux. Il a inspiré très fort, en manquant au passage quand même de s'étouffer. Mais... Et grâce à lui, quelques mois plus tard, l'aspirateur est né. Ah, c'est lui qui a inventé le système d'aspirer. En aspirant. Oh. Il a aspiré la poussière, il l'a mis dans un sac, plutôt que de faire voler la poussière qui retombait ailleurs. C'est plus intelligent, en effet. Ah oui, bah bravo. Alors, cette façon de s'étouffer a quand même révolutionné le monde. Bravo, Hubert Cecil Booth. Voilà, vous pourrez expliquer à vos collègues tout à l'heure ou à vos voisins de camping ou d'hôtel, si vous êtes en vacances, que finalement, vous savez comment l'aspirateur est inventé. On en apprend des choses dans le double expresso RTL. Oh, puis on en apprend, puis on va en écouter aussi des choses. Le groupe Fun Were Young. Aussi Radiohead et Toto, ça ne se loupe pas et c'est sur RTL 2, à tout de suite. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Maroon 5. Ce titre d'Ed Sheeran, vous l'avez découvert sur RTL 2. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre de U2. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, on les arrête plus. Qui ça, Lidl? Bah oui, en ce moment, les 8 pavés de saumon avec peau et sans arrêt sont à 14,19€ la barquette d'un kilo. 14,19€ les 8 pavés de saumon avec peau. Oh, pas de peau pour nous. Bah c'est ça, hein. Et en plus c'est la foire aux poissons chez Lidl. Là t'arrêtes. Bah, sans arrêt, oui. Je suis mal, c'est ça. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Élevé en Norvège, offre valable jusqu'au samedi 7 juillet. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Aujourd'hui, je veux un mode de vie sain et naturel.

on a essayé de vous faire un beau cadeau avant les départs en vacances. Hein. Oui, ce matin, on pense à votre sécurité avant votre départ en vacances, puisqu'on vous offre la révision de votre voiture grâce à avatacar.com. C'est le premier centre auto en ligne. On vous offre des révisions d'une valeur d'environ 100 euros. Et le plus 100 euros, oui, c'est mieux d'ailleurs. Oui, oui. Le plus de ce service, c'est qu'il peut être fait soit à domicile, dans les régions parisiennes, lyonnaises et niçoises, si vous habitez là-bas, ou dans un garage physique, dans l'un des 1500 centres partenaires d'Avatacar partout en France. Ah, donc c'est partout en France. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment partout. Hein. Alors, si vous voulez ces 100 euros, Vivi vous attend au standard tout de suite. Vous appelez le 3228. Allez, on vous offre votre révision. C'est cadeau. Avant de partir en vacances, c'est cadeau, c'est le double expresso de l'été et c'est sur RTL2. Merci Justine, bravo. Hein. Avec plaisir. Les liaisons dangereuses, une passion de Justine Salmon. Voici Toto, All the Line. Sur RTL2, c'était All the Line, 8h10. Évidemment, je ne vous ai pas donné le sommaire, mais il y aura l'info expresso à 8h18. De quoi on parle, Justine? Parce que c'est toi qui t'y colle. Hein, ce matin. On va parler de Barbie qui veut faire de vos enfants des scientifiques. Très bien, il y aura l'horoscope à 8h25, le winner du jour à 8h35, le journal des festivals, et puis bien sûr, du son pop rock. Radiohead.

8h16, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bonnes vacances pour ceux qui auront la chance d'y être. Pour d'autres, bon courage pour le travail, c'est bientôt. Pourquoi t'as pris ta voix comme ça? Parce que c'est cette chanson qui me fait parler comme ça. T'as entendu, elle a fait Minitel Roi, Justine. Oui, mais j'adore cette chanson. Vas-y Radiohead, parlez pas dessus. Creep sur RTL. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. C'est beau et c'est forcément sur RTL de Radiohead Creep. L'info de l'été du double expresso RTL 2. Alors l'info expresso de l'été, c'est l'info expresso qu'on trouve sur le web ou dans la presse. Mais là, on va parler de jouets de retour en enfance pour toi. Oui, on a trouvé ça sur Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Alors fini les clichés. Non, la poupée Barbie n'est pas une potiche. Non. La célèbre poupée de chez Mattel vient de décrocher un nouveau job, sachez-le. Barbie est en effet devenue ingénieure en robotique. C'est bien ça. C'est très bien. L'objectif, c'est de déclencher des vocations scientifiques chez les petites filles. Puisque sachez quand même que seules 24% de ces emplois sont tenus par des femmes aujourd'hui. Ça fait qu'un quart, c'est pas beaucoup. Hein. Bah non, c'est pas beaucoup, non. Et bah, m'engueule pas, c'est pas ma faute. Bah, est-ce que je t'engueule ? Oui. Jérém, elle m'engueule un peu, hein, t'es d'accord ? Oui, elle m'engueule, tu m'engueules. Tu me grondes, tu me juges. Dans un autre genre, quand même, il a été constaté aux États-Unis. Vous savez, la série X-Files, oui. Où on suivait l'agent Scully, c'était une agente du FBI qui était diplômée en médecine et en physique. Eh bien, elle a eu une influence non négligeable. Parmi les jeunes filles qui regardaient cette série dans les années 80, Deux tiers de celles qui travaillent aujourd'hui dans la science, technologie, ingénierie ou mathématiques, eh bien, elles déclarent que ce personnage a été un modèle. Bah, c'est-à-dire qu'on prend souvent exemple de ce qu'on voit à la télé. Quand tu veux être sportif, quand tu veux être, je sais pas, héros, cow-boy, n'importe quoi, des trucs improbables, c'est ce que tu vois à la télé. Alors, moi, ça n'a pas marché, mais je regardais Jeanne et Serge et je voulais vraiment être une volleyeuse. J'ai essayé. Bon, j'ai fait 4 ans de volley. C'est vrai? Voilà. Ouais. Ah, t'en apprends tous les jours sur moi. Incroyable, je savais pas cette histoire. Tu voulais être Jeanne. Je voulais être Jeanne, ouais, c'est tu ça. Voulais, tu voulais choper Serge, en vrai. Aussi. Ouais, c'est ça. Donc, après l'effet Scully, pourquoi pas l'effet Barbie? En tout cas, cette poupée ingénieure n'est pas disponible pour le moment en France. C'est juste aux États-Unis. Elle coûte 14$ à peu près. Bon, je voudrais... quand j'entends ça, je me suis dit, on peut pas te laisser comme ça. Du coup, Jérémy... Je n'en ratais pas un épisode. Ah ouais, non plus. C'était donc sur la 5 à l'époque, avant Olivier Tom, après tout. Je regardais Olivier Tom aussi. Bah oui. Bon, bah voilà. T'es ni de footballeuse ni volleyeuse. Bah non. Animatrice, Barbie animatrice. J'aimerais bien. Oui. Elle n'existe pas, la Barbie animatrice radio? Non, mais on peut lui mettre un micro, une console et puis un casque. Hein. Ça peut faire la blague. Pas mal. Voici Jacob Banks, Unknown, dans le double expresso RTL2. Bonjour à tous. Bon mercredi, il est 8h22. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I done wrong, I'll pay for it. Your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. And what I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me, say that. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how it started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Jacob Banks, c'était Unknown, il sera en concert demain soir au festival Cognac Blues Passion à Cognac avec RTL2, le journal des festivals. Ce sera tout à l'heure à 8h55. Voici votre horoscope de ce mercredi matin. 4 juillet pour les médailles de bronze et les gémeaux. Vous tournez un peu en rond, il faut sortir de cette routine. Les vierges. Vous êtes levé du pied gauche, n'en rendez pas les autres responsables. Nous avons les sagittaires. Vous ne faites pas forcément les bons choix en ce moment, posez-vous et prenez du recul. Verseau. Petite baisse de motivation ces derniers temps, essayez d'aller de l'avant. Allez, les médailles d'argent pour les bébés.

Expresso RTL 2, Tough Contagion. Le double Expresso RTL 2, le winner du jour. Alors, à 8h36, puisque Justine rigole et ne veut pas lancer cette chronique, je vais rigole, faire. Non, mais je suis juste pleine de bonne humeur. Mais oui, c'est le bien. Le winner qu'on a trouvé sur westfrance.fr ce matin, il est très rigolo, j'ai l'impression. Oui, il a voyagé. C'est un garçon qui voyageait dans un car. Bon, ben voilà, c'est normal. Il avait prévu de faire 295 km en Nouvelle-Calédonie, entre Kumak et Bouloupari. Voilà, pour tout vous dire. Bon, il va récupérer son bagage. Ce bagage se trouve au fond de la soute. Donc du coup, le bus n'est pas encore parti. La porte est ouverte, il rentre dans la soute. Bon, évidemment, il fait noir, il y a d'autres bagages, il cherche un peu son bagage. Sauf que là, d'un coup, il entend... Je fais très bien le bruit de la soute qui se referme. La soute se referme. Il était rentré carrément à l'intérieur. Il était rentré entièrement dans la soute à bagages. Oh, le chauffeur du bus avait fermé la soute depuis le bouton électronique, depuis son volant. Oh. Et ils ont commencé à rouler 30 km. Il était enfermé dans la soute, collé à son bagage, dans le noir. Quelle alors là, angoisse. Quand on est claustro, comme une grosse partie de l'équipe, mais c'est l'angoisse totale. Alors, bonne nouvelle, il avait quand même son téléphone, il a pu appeler sa fille, qui a prévenu la compagnie, qui a prévenu les autorités. Ils ont arrêté le bus au bout de 30 km. Il a quand même fait 30 km. Et à bout d'un moment, il est remonté dans le car. Le chauffeur lui a été suspendu. Voilà, ça, c'est Il a été suspendu carrément. Ah oui, mais enfin, vérifie. Tu vois, ne roule pas avec quelqu'un dans la soute. Non, mais ce pauvre monsieur. Bah voilà. Bah, c'était notre winner du jour. Et on vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Max, qui aime le covoiturage, ça t'amuse, toi t'aimerais bien être dans la soute. Ah ouais, bah s'il y a du monde pour discuter, je pourrais parler avec des bagages. C'est pas possible. Voici YouTube Mysterious Ways dans le Double Expresso RTL2 de l'été. Bonjour, il est 8h38. It's alright. rendez-vous dans le double expresso RTL de Mysterious Ways. On vous prépare aussi Coldplay. Harry Styles, Cat Sanchez et puis Justine, on parlera musique également à 8h55. Hein. Avec le journal des festivals où on vous propose tout le petit programme de cet été. Exactement, il est chargé, il est complet, beaucoup avec RTL2, à tout de suite. Tout l'été, à partir de 19h, c'est RTL2 Summer Party. Mix Pop Rock avec Laurane et RNP. Pour un début de soirée up tempo. RTL de Summer Party, tous les soirs à 19h. Montez le son. Feuille de brique craquante, cherche fromage de chèvre au cœur tendre pour couler des jours heureux. Justement, chez Grand Frais, la bûchette de chèvre blanche ou cendrée de 150 grammes est à 1,49€ seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 7 juillet, 9,93€ le kilo, fabriqué dans l'Indre, 22% de matière grasse sur produit fini. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Monsieur Maillard, chez Optical Center. Alors, Monsieur Maillard, vous entendez mieux avec vos appareils auditifs ? J'entends parfaitement. Ils sont très discrets. Et en ce moment, chez Optical Center, vous bénéficiez de 40% de réduction sur toutes les marques d'appareils auditifs, plus une paire de lunettes à votre vue offerte, même en verre progressif. Alors, Monsieur Maillard ? Alors, c'est tout vu et tout entendu. Optical Center, optique et audition. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2018 chez Optical Center. Conditions en magasin, dispositifs médicaux, demandez conseil à votre médecin, lire attentivement la notice. La Minute Soin avec Elisabeth Boisdana, porte-parole de la recherche L'Oréal Paris. Aujourd'hui, nous écoutons la question de notre auditrice Sophie. Bonjour, comment être sûre que les ingrédients des soins L'Oréal Paris soient sans danger pour ma peau ? Chez L'Oréal Paris, nous ne sélectionnons que des ingrédients qui ont fait la preuve d'une excellente tolérance, notamment grâce à des tests sur peau reconstruite mis au point par nos experts ces 30 dernières années pour ne pas tester sur les animaux. De plus, tous nos soins comme Revitalifté Edge Perfect sont testés sous contrôle dermatologique. Et par qui sont-ils testés ? Par des instituts indépendants pour garantir des résultats 100% objectifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l'oréalparis.fr. Tous les jours, partout en France, RTL2, le son pop rock. de s'arrêter. 8h46, bonjour et bienvenue dans le double expresso RTL2. Ça va ? Oui, c'est la chanson qui met de bonne humeur le matin, ça. Voilà, Coldplay, Viva la Vida, ouais. Qui vous donne le sourire, qui vous fait chanter avant le journal des festivals sur RTL2. Cher et Justine Salmon, jusqu'à 9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL 2. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. Pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned we've been here before. Harry Styles sur RTL de Sign of the Times, 8h54. Allez, c'est l'heure du journal des festivals. Chaque jour, vous le savez, à 6h55, 8h54, 8h55, vous retrouvez ce journal des festivals dans le Double Expresso RTL2. Et vendredi soir débutera le festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair en Normandie. Charlotte Gainsbourg et Holly Seas ouvriront le bal. Le samedi, vous retrouverez Simple Minds et The Offspring. Et dimanche, ce sera le concert de Malo. Le festival s'achèvera le lundi soir avec un énorme concert de Dépêche Mode. Dans une semaine, jour pour jour, nos auditeurs Rochelet assisteront à l'ouverture des Francofolies. Ça va durer jusqu'au 15 juillet. Le mercredi, il y aura Loïc Noté et Calogero. Face à la mer, j'aurais dû grandir face contre terre. Le 13 juillet, ce sera autour de Cheikh Apon qui Juliette Armanet clôturera l'événement. Ce sera le 15. Et puis ce week-end, le festival des Déferlantes ouvrira ses portes à Argelès-sur-Mer. Lenny Kravitz s'y produira samedi pour un grand concert exceptionnel. Et puis le festival se poursuivra le lundi avec Holly Seas et Liam Gallagher clôturera l'événement. Voilà pour ce journal des festivals, tous les jours, 6h55, 8h55, dans le Double Expresso RTL2. On se retrouve dans quelques secondes avec Carole Vega et aussi Cat Centuries. A tout de suite sur RTL2. On fait ça. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. Tom Walker. Découvert sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Pink. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. La Poste Mobile présente le grand jeu 100% gagnant. Alors, c'est très simple. Vous avez un numéro de portable. Vous avez gagné jusqu'à 10 ans de forfait mobile. Avec la Poste Mobile, vous êtes sûr de gagner. Rendez-vous sur jeu.lapostemobile.fr ou en bureau de poste. Jusqu'au 18 août, c'est le grand jeu 100% gagnant de la Poste Mobile. Gagnez jusqu'à 10 ans de forfait, même sur le forfait 60 gigas. Modalité de participation sur jeu.lapostemobile.fr. Remis sur le prix mensuel d'un nouveau forfait SIM avec portabilité du numéro métropolitain. Pour les clients La Poste Mobile au 30 juin, voir les gains sur le site du jeu. Toyota. Bonjour, je cherche les primes de 4000 euros. Ah, alors tournez à gauche au petit astérisque là. Continuez la route des mentions légales sur 1 km. Traversez la forêt des conditions. Il n'y a pas plus simple. Bah sinon, chez Toyota, c'est tout droit. Ne vous perdez plus dans les conditions. Du 2 au 21 juillet chez Toyota, profitez de primes à l'hybride jusqu'à 4000 euros sans aucune condition. Estimez la valeur de votre véhicule sur toyota.fr. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable pour toute commande de Yaris, Auris et Toyota CHR hybride neuf dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Au fait, t'as prévu quoi cet été ? Cet été, j'ai prévu des vacances 100% sport. À la montagne, à la mer ? Je commence par une grande rando dans les Pyrénées avec de l'escalade et après, direction la mer pour aller taquiner les vagues. Ça te tente ? Oui, mais je suis pas sûre d'être équipée. Ça tombe bien, je dois justement passer au Vieux Campeur. Au Vieux Campeur ? Oui, c'est le magasin pour tous les sports en pleine nature. Que tu pratiques la montagne, le running, la voile ou la plongée, au Vieux Campeur, t'équipe pour réaliser tous tes rêves de plein air. Bon alors, tu viens ? Allez, on se fait plaisir. Pour des vacances sportives au meilleur prix, rendez-vous sur auvieuxcampeur.fr. RTL2. Intermarché vous propose d'écouter des fans de food. Ah, au fait, chérie, t'as pensé à prendre ton maillot ? Celui de l'Espagne ou celui du Brésil ? Pendant l'opération fans de food chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Attention, il ne reste plus que 2 semaines. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 euros d'achat. Modalité du jeu et magasin participant sur intermarché.com. Et bien sûr, food veut dire nourriture. Chérie, j'ai craqué. Comment ça ? Oh, j'ai pas résisté, j'ai acheté un pot de yaourt. Et alors ? Bah, il était si mignon, si glamour. À ce prix-là, 8 990 euros. Comment ça, 8 990 euros? Attends, j'ai peur, là. Non, mais je te parle du pot de yaourt. Oh, génial, tu t'es offert ta Fiat 500. Oui. Depuis le temps que t'en rêvais. En juillet, fêtez l'anniversaire 500. Et craquez-vous aussi pour son charme. Fiat 500 est à partir de 8 990 euros seulement. Offre sous conditions de reprise. Prime à la conversion gouvernementale et bonus EcoFiat déduit jusqu'au 31 juillet sur Fiat 500 Pop 1 litre 2. Détails sur Fiat.fr. Fiat. Cuisine Xina. Alors, plan de travail, électro, finition, design, ça vous fait... Cher, c'est ça. Ah non, ça vous fait une très belle cuisine en solde. Félicitations. En ce moment, chez Xina, jusqu'à moins 50% sur les cuisines d'exposition. Quand Xina, tout va. Voir conditions en magasin. MC.

size of the 70 years. That's what he goes there for, is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. A fractal on a breaking wall. I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we trip. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. Get up sur RTL2, le son pop rock. Some like their dreams to fill their days. Inside their broken hearts they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. We got to get up. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On me dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. There's nothing stronger. Thank you. simple chose m'embrasse. Autour je trace ma terre brûlée, l'âme sous le feu pour faire le pas. Seuls les vrais, les frères sont là. C'est le jour du grand départ. Tu verras, je suis pas venu pour te décevoir. Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien. Et puis tu pourrais bien s'effondrer demain. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On me dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Lise-moi des secrets dans les mains. Je veux vivre encore ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. Je pense. Climb up the bay, stronger than the strongest. Get up sur RTL 2, bah oui, à pratiquement 9h15 debout. Bah oui, debout pour vivre pleinement ce mercredi 4 juillet. Merci de passer votre matinée avec le son pop rock qui a inauguré hier une nouvelle fréquence à Cahors sur le 98.4. RTL 2 se développe un petit peu plus comme ça sur le territoire pour répondre à la bonne parole pop rock. Avec les Red Hot, Vianney et Police qui arrivent sur RTL 2. Bonjour. RTL 2 présente le groupe aux 27 millions d'albums. En concert à New York. Hello everybody, we're Maroon 5 and RTL2, our favorite French radio. Give it up for Maroon 5. Dès que vous entendez deux titres de Maroon 5 à la suite, soyez les premiers à nous appeler au 3228. Et partez avec Air France à bord de l'Airbus A380 pour New York. Maroon 5 et vous. Le 14 octobre au Madison Square Garden. Forcément avec RTL2. RTL2, the pop rock radio. La bonne idée but, c'est l'opération Crazy Literie. 50% d'économie sur un matelas. Ah, ça va faire du bruit. Et pourtant, vous allez bien dormir. En ce moment, chez But, moins 50% sur le matelas Deal Bultex 140x190 qui passe de 553 à 279,50€ seulement. But, des prix et des idées tous les jours. Crazy Literie, literie en folie. Décathlon, c'est aussi la joie du kayak, du spot parfait, du kiff de la randonnée en toute liberté, des excursions en mer ou sur un lac, seul ou à deux, avec tout le confort et la stabilité. Oui, on a compris. Cet été, retrouvez le kayak Itiwit 2 places, gonflable en 7 minutes et qui tient dans un sac à dos, à seulement 250€ chez Décathlon. Toyota. Bonjour, je cherche les primes de 4 000€. Ah, alors tournez à gauche au petit astérisque là, continuez la route des mentions légales sur 1 km, traversez la forêt des conditions. Il n'y a pas plus simple. Bah sinon, chez Toyota, c'est tout droit. Ne vous perdez plus dans les conditions. Du 2 au 21 juillet chez Toyota, profitez de primes à l'hybride jusqu'à 4 000€ sans aucune condition. Estimez la valeur de votre véhicule sur toyota.fr. Toyota. Offre aux particuliers non cumulables pour toute commande de Yaris, Auris et Toyota CHR hybride neuf dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Avec Laurent Deutsch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Vendée. En 1981, le couple de charcutiers Petit Gars eut l'idée de produire un jambon vendéen qui jusque-là n'était fabriqué que dans les fermes. Désossé selon la technique de l'os coulé, c'est-à-dire sans ouvrir la pièce de viande, ce jambon cru se reconnaît à son goût épicé typique. Et comme le climat vendéen ne permet pas un séchage trop long, il est aussi nappé d'eau de vie pour une maturation express. Commerçant autrement. Pour votre santé, bougez plus. Tous les matins, de 6h à 9h.